Activité 7, page 97. Piste 75. A. Les ados préfèrent porter des chaussures de marque. B. Les enfants aiment dessiner des casquettes. C. Ils portent un anorak. D. Elles mettent des écharpes rouges.